Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Soprano. Nous sommes en direct du 118 pour le Planète Rap consacré à Soprano, ça va bien? Ça fait plaisir, vous imaginez pas à quel point de faire cette semaine avec Sopra, avec vous, qui vous déplacez, vous aussi qui nous écoutez dans toute la France. Réagissez avec le hashtag Soprano sur Skyrock, l'album débarque, hein, c'est lundi dans les bacs. Cet album, je l'ai entre mes mains, il s'appelle Cosmopolitanie, on le découvre tous les soirs avec du live, peut-être aussi des invités ce soir. Mais chaque soir, si vous écoutez l'émission, on en a pris l'habitude, on teste la température de la salle, voir si vous êtes chaud ou pas. Ah ouais, vous êtes pas chaud en fait. Non, mais si vous êtes pas chaud, on remballe, on met du son, on s'en va, hein. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir celui qui fait son Planète Rap cette semaine entre 20h et 21h? Il est là, il est prêt. On va voir si vous aussi vous êtes prêt. Voici le morceau Cosmo en live pour débuter ce Planète Rap. Monsieur Soprano! 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Est-ce que le public de jeudi est chaud ce soir? Tout le monde les bras en l'air, tout le monde les bras en l'air, tout le monde les bras en l'air. Vous êtes prêts? On y va! Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrières? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres, les millionnaires, les bobos, les maîtres fumettes, les sur mes tous dans les quartiers, les blocs, les HLM, mis de côté les résidences, les quartiers UP, les 205 PO du TT, où sont les plaques, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, les gris, moi ouais, des avocats politiques, je sais, est-ce que vous êtes là? Montre-moi comme tu es, ce soir est un jour de paix. Montre-moi comme tu es, ce soir pas de tenue. C'est funk, R&B ou bien électro, variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk et dancehall. Ce soir c'est boxe, c'est foot, c'est Messi et Ronaldo, LeBron James et Otomoto, c'est Sangoku et les Naruto. Ce soir c'est calme, posé, ce soir c'est mariage, me disent les clairs de champ, des cheveux rivés, les blondes, les brunes, les cheveux tissés. Ce soir c'est love et peace, unis grâce à la musique, loin des amalgames politiques. Ce soir plus personne ne nous divise. Oui, montre-moi comme tu es, ce soir. Les bras levés, tout le monde, touche mes rentrées. Est-ce que vous êtes vraiment là ou pas? Cette fois, je veux voir tout le monde les bras levés. Tout le monde, tout le monde les bras levés. Tout le monde, vous êtes prêts? On y va. Merci tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Soprano, hey. Comment ça va? Hey, ils sont chauds, hein. Je crois qu'ils sont bien chauds, hein. C'est pas mal, hein. Ce soir. Tiens, installe-toi, prends ce micro quand t'entends bien, Sopra. Est-ce qu'ils vont battre le record de la semaine? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ça commence fort, hein. Ça va bien, toi? Ouais, ça va, un peu fatigué quand même aujourd'hui. Ah, cette semaine est épuisante, non? Ouais, j'enchaîne beaucoup de trucs. Mais on est là. Quand tu vois tout le monde, il y a des gens, ils reviennent, ça fait super plaisir. Tu vois, ce côté, il est très, très, très, très chaud. Est-ce que t'as... Celui-là, il est encore plus chaud. Ah, ah. Je crois qu'il y a inversement de situation par rapport à hier. Hein. J'ai l'impression que ce côté est bien chaud. Hein. Ouais, non, attends, celui-là aussi. Eh ouais. Tchefada. Regarde le bordel. Bon, je crois qu'il commence à avoir une concurrence entre le mercredi et le jeudi. Mardi, c'était chaud aussi, même lundi aussi. T'as vu le petit bout de chou avec les logos de Cosmopolitan? Ouais, là, les smileys et tout. Ouais. Avec les petits smileys. Ah, ça tue. Et en plus, il y a des gens que je connais depuis longtemps, ils sont toujours là depuis longtemps, ça fait super plaisir. Bon, bah, bienvenue à vous tous, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Ceux aussi qui nous écoutent, hein, dans la France entière, il faut pas les oublier parce qu'ils sont là, ils nous envoient plein de messages avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Tous les soirs, ils réagissent. Yes, ils déjà, merci beaucoup pour tous les messages, parce qu'on en reçoit beaucoup. C'est vrai que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce qu'on fait beaucoup de promos, mais franchement merci, je reçois les messages chaque fois qu'il y a un morceau qui sort, tout le monde est derrière, ça va direct numéro 1, je deviens fou. Merci beaucoup. En plus, tous les styles, ils sont différents des morceaux et chaque fois les gens ils réagissent, donc c'est vraiment un grand big up à alors pour ceux qui ont précommandé l'album aujourd'hui, vous avez vu un morceau qui s'appelle Mélancolie qu'on va encore découvrir, un autre aussi. Style voilà, encore un autre style après Clown, voilà, qu'on a passé après Préface, après Fresh Prince, c'est encore un autre style. Après Cosmo, qui est plus pour les concerts et aussi ils ne nous connaissent pas. Tiamo aussi, c'est encore un autre style. Bon, comment on se sent 4 jours avant la sortie Soprano? Là, je suis en mode... comme je suis un peu fatigué, j'étais obligé de revenir un peu à la base et pour me donner un peu de force. Déjà, j'ai besoin de vous, déjà, si vous êtes là. Cool. Mais j'ai besoin que vous fassiez un gros, gros, gros bordel pour ceux qui me donnent la force depuis le début. Ma psychiatre de la Réméa! Eh oui! Ils sont là ce soir. Monsieur Alonso, Monsieur Vincenzo. Il manque que Sia d'ailleurs qu'on salue. Il nous entend. On lui fait une grosse, grosse dédicace. Repose-toi tranquillement, on est là, frangin. On tient la baraque. Les psychiatres, ça a l'air de faire plaisir à tout le monde en tout cas de voir les psychiatres. Hein. Ah, ça fait plaisir, mais tu sais, il y a des gens, ils nous suivent depuis longtemps qui sont là. Et ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Tu vois? Ah ouais, ça fait grave, grave plaisir. Vraiment beaucoup merci, de gens. Merci, merci. Alonso, comment ça va? Très, très bien. Toi qui as fait avec Vincenzo justement beaucoup de Planète Rap, c'est une ambiance de dingue là. Franchement, c'est un concept à développer dans le temps parce que c'est magnifique. Il y a un public, ça change. Franchement, faut parler ça, faut en parler à ton boss, il faut faire ça à chaque fois. Et je pense qu'il est à l'écoute. Le message est bien passé, en tout cas. En tout cas, il est content, on m'a dit ça, donc c'est Vince, super cool. Vince, comment ça va? Ça va, tranquille. Hein. Vince, on a appris que c'est toi hein, qui est sur Fresh Prince. Ouais, j'ai entendu ça. Hey, tu sais, il y a des gens qui croyaient que c'était Alonso. J'ai dit, c'est pas la même voix, vous êtes fous, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, justement, de la gigotée? Jeffrey? Non. Est-ce qu'il y a du monde ce soir dans la place? Est-ce que mes gigoteurs et mes gigoteuses sont là ce soir? Ce soir, on va Nyanda. Bah, bienvenue à vous tous. Nyanda, que tu veux traduire peut-être, Sopra hein? Je ne veux pas traduire. Tu ne veux pas traduire, mais on aura compris, je le pense, en tout cas. Entre 20h et 21h, donc du live de prévu ce soir dans l'émission, évidemment. Ouais, on va essayer de faire du live, on va passer des morceaux de l'album. Et avec des petites surprises, toujours comme d'habitude. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas un petit replay de l'émission d'hier? Puisque hier, si vous n'étiez pas là, vous avez loupé la jolie voix de Kaina qui est avec nous entre 20 et 21. Yes, une grosse dédicace à la petite sœur, que son album est dans les bacs. Thug Wife, yes. Et bon, on va écouter ce qui s'est passé hier soir dans l'émission tout de suite. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Bonsoir et bienvenue tout le monde. Comment ça va ici au 118? Son album sort lundi dans les bacs, on le découvre tous les soirs, le Cosmopolitani. Et chaque soir d'ailleurs on fait un petit concours avec les gens qui étaient là hier, avant-hier. On fait le jeu du thermomètre. Est-ce que vous êtes très chaud ou moyennement chaud? Mais non, là c'est plié d'avance. Ceux de lundi, mardi, ils étaient 1000 fois meilleurs que vous. J'ai peut-être quelque chose qui d'un seul coup va tout changer. Et ce quelque chose, c'est le morceau Cosmo. Faites du bruit pour Monsieur Soprano qui est là avec nous. Montre-moi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. On y va. On y va. Bonsoir Sky, ça va bien ou quoi? Franchement, ce soir, ils sont chaud, chaud, chaud. Je rajoute encore chaud, un autre bouillon. Faites un maximum de bordel pour Miss Kaina Samé. Donc tu disais Sopra? Ben ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 15 ans. Moi je trouve que elle fait partie des voix uniques des voix qui te donnent la chair de poule. Je vois la Belgique qui est arrivée là. La Belgique a débarqué. Ça va bien mesdemoiselles? Des fidèles. Donc vous venez d'où? Moi je suis de Charleroi. Charleroi, et toi t'es de Paris? T'es de Bruxelles, donc ouais, en fait c'est plus simple en Belgique. En fait on se demandait pourquoi il n'y a pas de featuring avec Psychiatre sur l'album. Alors le truc c'est que Psychiatre ils sont dans l'album, bien sûr ils sont sur l'album avec Fresh Prince en fait. Ça veut dire Vincenzo il est sur le... c'est lui, Oncle La File. Le gigote, c'est lui. Le gigoteur. Et l'interlude qu'il y a avant le Fresh Prince, c'est Alonso, en fait, qui amène le morceau. À la base, on devait faire un morceau, moi et Alonso. Alonso et moi, on devait faire un morceau qui s'appelait Dos à Dos. On n'a pas pu le terminer parce que lui, il est à la course pour terminer son disque aussi. Planète Rap. Je crois qu'il est l'heure du live maintenant. Ah, donc je te laisse. On va entendre Miss Kaina. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Planète Rap. Miss Kaina Samé. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la. Je suis à Planète Rap, je suis avec Sopra. Bah ouais, me balade, c'est là. Oh, c'est un remix sur le son de Kaina. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment là? Sopra Baba, toujours en train d'improviser. Donner un peu de force à tous les mecs aiguisés. Le flow est stylé, trop de mecs essayent de venir m'épiler. Je suis déconnecté, okay. J'ai laissé tous mes problèmes de côté. Okay. Planète Rap. Le Planète Rap ici en direct du 118. Là c'est reparti pour une nouvelle soirée. On va voir si ce soir vous faites mieux encore qu'hier. Mais je crois que c'est bien parti. Voilà, ils sont partis pour foutre le feu hein. Regarde l'ambiance qu'ils ont. Avec les psychiatres pratiquement au complet. Puisque ouais. Sia est en train de bosser. Sia est à la maison, on lui fait une petite dédicace. Il nous entend tranquillou. Bon, Alonso aussi qui a sorti un projet. Enfin, a sorti un morceau la semaine dernière. Qui marche fort aussi hein. Yes, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, peut-être que tu nous le feras en surprise. On ne sait jamais Alonso, si jamais tu le sens d'un seul coup. Je sais pas, ça on ne sait pas s'il l'a mis celle-là. Ils connaissent. On va le faire alors. Très bien. Donc d'autres lives de prévu sur Skyrock entre 20 et 21. Et puis juste avant de continuer l'émission, on va passer un morceau maintenant de ton album Sopra qui sort lundi. Ouais, on va passer Le Pain. Le Pain, tu veux dire un mot sur ce titre? Ben je voulais faire une grosse dédicace à toute la révolution urbaine. Voilà, qui doivent écouter Monsieur Zino, c'est un morceau un peu plus rap celui-là. C'est un morceau où justement tu entends Monsieur Zino de la Révolution Urbaine avec Monsieur DJ Mej, oui je te balance. Il est là Mej hein. Voilà, à l'intro en train de faire les clandos, en train de parler comme des clandos. Et c'est une expression à Marseille, quand tu dis tu fais le pain, ça veut dire tu te mets bien. Ça veut dire par exemple lui tu vois les lunettes qu'il a, ben il fait le pain. Tu vois l'appareil photo que tu as là hein, tu as fait le pain. Tu vois, c'est une expression de chez nous. C'est une expression pour rigoler. C'est un morceau cool rap tranquillou. Yes. Et ben on le balance maintenant. C'est extrait de ton album qui sort lundi dans les bacs. Et après vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. On fera aussi un petit tour des questions de la salle dans un instant. Yes. On dit non, bien ou quoi, Franck? Oh, le cous, bien quoi? Ça va et toi? Franchement, toujours Armani, tiens le pain. Comment le pain, poteau, tiens poisseux. Comment? Là, tiens poisseux. Et tu là, tu me dis tiens le pain. Mon frère, écoute, hier, quand t'es match, n'est pas rentré. Rami, rasé, RMI, pas Wahda. J'suis en train de cirer. Rejeter de la société, disque. Voilà, je pète les plans. Oh, mais poteau, demain j'ai un plan. On va faire le pain. Laisse-nous faire le pain. de faire le tour du monde avec mes moines. Dans les rues de Panama, en Porsche Panamera. Besoin d'offrir une villa de rêve à la mama. D'une carte postale des Bahamas, sans son nouveau panorama. De passer tous mes hivers dans les rues d'Abu Dhabi. D'avoir deux, trois conteneurs remplis après le shopping. D'être sapé par les plus grands couturiers d'Italie. De couper mon téléphone allongé sur les plages de Bali. Pour les petits, des écrans dessinés sur mes appuis-têtes. Arriver en charter, besoin de repartir en jet. Besoin de payer le resto tous les soirs à Mero. Oui, mais de préférence sur les plages de Rio de Janeiro. Jamali est là, Matteo est là, DJ Mej, Nico, on se barre à Marbella. Ok, mais pour ça, comme dirait DJ Who's, négro. Laisse-moi faire le pain, négro. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Le pain, le gain, le de la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour réveiller dans. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Madame veut la dernière tenue de Nicole Richie, oui. Avec les accessoires, bracelets, colliers, sac à sortie, oh, oui. Après 2-3 heures à tourner dans la même boutique, elle me dit: bébé, je veux tout ça, mais sauf ce haut de bitchy. Faut la robe de mariée qu'avait Monica Bellucci, oui. La lune de miel romantique sur les plages de Tahiti, oh, oui. La baraque avec jardin, garage, piscine, terrasse, cuisine, des chambres au standing. Surtout avec un immense dressing. Nos petits, faut pas qu'ils deviennent enfants gâtés pourris, non. Mais il leur faut du Ralph Lauren et du Burberry, oh, oui. Des vacances en famille chez Donald, Mickey et Minnie. Des anniversaires, les Noël, des cadeaux à ne plus en finir. Les impôts sont là, ta chaussière est là, les amis, va falloir oublier Marbella. Il nous reste la Ciotat avec DJ Hous, négro, négro, négro. Elle veut que tu fasses le pain, négro. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Le pain, le gain, le blé, la monnaie. C'est ce qu'il nous faut tous pour réveiller dans. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Fais vite, il est l'or. Fais vite, il est l'or, ouais. Eh ouais, le zen, fais le pain. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Laisse-nous faire le pain. Laisse-nous faire le pain, yeah. Sopra fait le pain. Eh ouais, quand tu te hein, tu es volution, t'as sauté. Sopra, tu es cuit. Voilà, tu es cuit. Depuis, j'ai traîné avec toi. Voilà, j'ai coulé. Arrête, oh, Sopra, mets-moi à Marbella. Voilà, je connais ta repète comme rien. Courant de bêtises, mon ahango. Courant de bêtises, mon ama. Soprano. Ah, viens pas nous, Marbella. Comment? C'est le coco, un peu warda. Un peu warda. Oulé, peu le pain. Le pain, alors, est-ce que ça vous a plu? Le pain, c'est extrait de l'album de Sopra qui sort lundi dans les bacs cosmopolitaniers. Et on voulait faire une grosse dédicace à monsieur Husni, notre producteur à la maison à Marseille. Parce que c'est lui qui fait la fête. Laisse-nous faire le pain, négro. Wallah, il nous tue de rire. C'est... Je vais rentrer, je vais te finir. Donc le pain, c'est une nombreuse expression marseillaise, comme il y a tarpin plaisir. Tarpin, comme le zin, comme il y en a plein ce temps-ci. Qu'est-ce qu'il m'a dit tout le à l'heure? Le sang, Zach, une grosse dédicace à Never Slave. Empagué, alors le sang. Non, empagué. Non, ça fait longtemps ça. Empagué. Empagué, ouais. C'est ça. Hein. Non, ça fait longtemps ça. Ça c'est... Ah, empagué, ouais, c'est quand t'es pété en fait. Ça c'est quand t'es pété. C'est le truc. Voilà. Qui ne me ressemble pas, je ne bois que de l'eau. Voilà, toi tu bois que de l'eau. Exactement, voilà. Fred. Tu es sobre ce soir, c'est bien. Toujours. Mais bien sûr. Mais toujours. Attends. Bon, on est avec Sopra entre 20 et 21. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle? Tiens, on va faire un petit tour dans la salle. Est-ce que vous êtes prêt à poser? Il y a pas de questions, c'est pas grave. Ah. J'arrive. Tu es prêt, Sopra, à répondre à tout? On est là, tout le monde est là, toute l'équipe est là. Où? Ah ben voilà, regarde, tu vois, tu disais le pain, les lunettes, le pain, la classe, le pain. Ouais, on va vers lui, il s'appelle Guillaume, ça va bien, Guillaume? Ça va, tranquille, salut tout le monde, salut la psychiatre. Salut mon poteau. Lève-toi, montre-toi aux gens ici. Ouais. Alors, la question, Guillaume. Bah, tout d'abord, Sopra, j'avais une petite question parce que je te suis déjà depuis le début de la psychiatre. Ah, merci. Et je voulais savoir si tu avais remarqué que tu avais deux publics différents, mais bien distincts. Le. Très rap et très. Ouais, voilà, tout à fait, t'as tout compris. Ouais. Et je voulais savoir si t'avais vraiment bien remarqué parce que c'est un peu la guerre sur YouTube, sur tes vidéos. Il y en a qui défendent l'ancien Sopra. Il y en a qui disent que t'as changé. Je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Ah ben, et moi, ce que j'en pense, vas-y, dis-moi. Juste un big up à tous ceux qui m'écoutent. Je voulais dire que moi, c'est pensif et que je fais de la musique. Je suis une chiotte dédicace aussi. Ah, c'est cool. Une chiotte dédicace, donc tu viens du Nord. Voilà, c'est ça. Une chiotte dédicace. Voilà. Donc tu viens du Nord. Ah, d'accord, je connaissais pas cette expression. Tu connais pas? Ah, non, je connais pas cette expression. Bien le frère. Je connaissais pas. Maintenant, Non, je connais, attends, j'apprends tous les jours. Donc alors, cette réponse pour les deux publics. Alors en fait, tu as vu, c'est pour ça que j'ai fait un morceau comme Préface, j'ai fait un morceau comme Le Pain ou Scala Chinrosi. Moi, je veux pas être dans une cage. Je veux pas être dans une cage, tu me mets là et je fais ça toute ma vie, je fais ce que je veux. Si aujourd'hui j'ai envie de faire une guitare-voix, je fais une guitare-voix. Si j'ai envie de rapper trap, je rappe trap. Si j'ai envie de rapper conscient, je rappe conscient. Ça a toujours été ma philosophie depuis le début. En plus, je m'appelle Soprano. Donc ça a toujours, si les gens qui me connaissent depuis le début, la psychiatra de la Rimea, live, je faisais déjà du chant, comment ça s'appelle, des morceaux comme le Monde Stone, c'était déjà un morceau déjà variété parce que c'était une reprise. C'est vraiment des trucs que les gens ils aiment trop faire ça tout le temps, mais ça fait longtemps que moi j'essaie de faire des morceaux de la musique. Ça fait longtemps, avec Psychiatre, on le dit depuis longtemps. Après, comme moi je dis toujours, on le dit moi et Alonde tout le temps, moi je m'occupe du côté droit et Alonde s'occupe du côté gauche. Donc voilà, c'est un peu le concept qu'on a nous deux et on essaie de le faire vraiment à fond. Et après, le concept de l'album, il s'appelle Cosmopolitanie. C'était important de faire plein de styles. J'avais fait des morceaux peut-être plus pop, d'autres morceaux peut-être plus rap. Je me suis dit, ça collait pas au concept de l'album. Le concept, c'est Cosmopolitanie. Un morceau comme Préface, un morceau comme Clown, un morceau comme Si. Je veux être honnête et être ce que je suis. Moi, dans mon téléphone, tu entends London Grammar, comme tu entends Jay-Z, comme tu entends des morceaux de Drake, comme tu entends un morceau de Linkin Park. Il faut que je sois honnête, parce que c'est ça, être un vrai mec. C'est d'être honnête, pas faire ce que les gens ils veulent que tu sois. Voilà. Et merci. Et c'est vrai, mais en même temps, je dirais que c'est aussi public rap, ou du moins une frange du public rap. C'est toujours mieux avant, etc. Donc, mais oui, mais c'est générationnel, voilà. Tu sais. Ouais, à l'époque exactement. De Je danse le Mia, pour moi, pour mon époque, Je danse le Mia, c'était un classique. Oui. Et pour les plus grands, c'est un morceau commercial, nanani. Pourtant, pour ma génération, c'est un classique. Quand on a sorti le son des Bandits, ils sont là, ils peuvent te le dire. Comment ça s'appelle, pour toute une génération, tu leur demandes, ils vont te dire c'est un classique. Ceux d'avant, ils nous envoyaient, vous avez fait un morceau commercial. Tu vois, c'est toujours comme ça, et ce sera comme ça, et c'est pareil pour tous les artistes. Tout le monde a ça. Quand tu sors un autre album, tu en perds, tu en gagnes, c'est toujours comme ça. L'important, c'est que tu sois toi-même au maximum. Moi, je me regarde dans une glace, je regarde mes enfants, je suis fier. Je regarde le public, il suit ma direction, je suis fier et je veux rester comme ça. Et je peux vous le dire, en tout cas, vous tous qui êtes ici et ceux qui nous écoutent à la radio, alors est-ce que ma voix portera ou pas, mais Sopra, tout comme les psychiatres, sont des mecs d'une générosité, aiment leur public et ont envie de leur faire plaisir en permanence. Et pour ça, on peut les applaudir, mais il y a, en tout cas. Merci. Il y a un vrai rapport avec le public et il y a quelque chose de fort. On essaye. Allez, on va aller voir vite Angélique pour la deuxième question et certainement dernière parce qu'on est déjà à la bourre. Ouais. Vas-y Angélique. Donc moi, bonsoir du coup. Salut. Je voulais juste savoir ce qui t'avait poussé à faire du rap. Ben, à la base, Michael Jackson m'a donné envie de faire de la musique. Je voulais chanter à la base. Après, on est tombé sur Chris Cross. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris Cross, c'est des petits qui mettaient les habits à l'envers. Ouais, on sait jamais, il y a des gens qui connaissent pas. Et voilà, ça nous a donné ça nous a donné envie de faire du rap et ça nous a motivé. Après il y avait IAM, NTM, après il y avait la Funky Family. Voilà, c'est un peu tout ça qui nous a donné envie de faire du rap et qui nous a poussé à être là aujourd'hui devant vous, hein. Voilà. Yes. Merci Angélique en tout cas pour la question. On va revenir dans quelques minutes. Yes. J'ai envie de sonder Alonze. Yes. Alonze. J'ai envie de te sonder un peu. Est-ce que, par exemple, après la pub, si tu le sens, tu nous ferais pas un petit live, un petit cadeau. Un petit cadeau. Comme je t'ai dit, ça dépend d'eux. Je sais pas s'ils connaissent. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont très envie. Je suis venu pour le frère. Je suis venu pour son meilleur album, voilà, qui sort lundi. Merci. Le duo est fort, c'est le plus fort dans sa catégorie. Il a fait beaucoup d'enfants dans le rap français. Et c'est le plus fort dans sa catégorie, donc je suis venu pour lui. Mais si le public connaît un peu les morceaux que j'ai envoyés ces derniers temps, on va essayer de faire ça. Alors peut-être qu'il y aura un petit cadeau. Alors, si vous êtes vraiment chaud. Ouais. Voilà. Vous savez quoi? Voilà. Vous savez quoi? Vous avez le temps de réfléchir pendant quelques minutes, pendant la pub. Voilà. Et après, dès qu'on revient après la pub, si vraiment il y a une ambiance incroyable, si tout le monde est debout, si tout le monde hurle après la pub, je pense qu'à Londres, tu seras obligé d'y aller. Hein. Tu seras obligé de représenter la street, négo. Ouais. On va faire ça propre. Et bien ne bougez pas dans un instant, sale, la suite de ce Planète Rap avec les psychiatres qui sont là ce soir avec Soprano. On va aussi rappeler 2-3 dates importantes. Il y a les séances dédicaces de Soprano. Dès lundi ça commence, tu seras à 18h Fnac Paris Montparnasse, Fnac Perpignan le mardi à 18h, le mercredi 15 octobre au Champ Bordeaux de Lac à 15h, le 18 octobre au Cultura Cabriès plan de campagne à partir de 14h, et le jour même au Cultura Marseille de la Valentine à 17h30, et enfin le 29 octobre au Cultura au Bagne à partir de 15h. Je rappelle aussi que si vous voulez venir ici rejoindre le public, il reste qu'une seule soirée demain, il nous reste quelques places. Donc c'est là franchement c'est le moment ou jamais d'envoyer, de bombarder de mails. Laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler très vite. C'est planetrap@skyrock.com pour venir ici pour la dernière demain. Donc planetrap@skyrock.com, bombardez de messages avec votre numéro de téléphone et vous serez peut-être avec nous demain. La suite de Planète Rap c'est juste après ça. Comme toi, Soprano a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. Et le 118, il y a du monde. Et ils sont en direct du 118 cette semaine entre 20 et 21 avec Soprano, avec les psychiatres qui nous ont rejoints aussi ce soir. Merci Jeff. Pour ce... Ça va toi? Avec Oncle Phil qui est là aussi, qui est venu en featuring pour gigoter. Comme d'habitude. Et je le disais juste avant la pub. Est-ce que le public est très... Même pas eu le temps de finir la phrase. Eh ben alors, je vous amène un cadeau, le number one de la street zère, comme ils disent tous. Mr. Alonso va vous en faire un gros son. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un gros bordel, s'il vous plaît, pour lui, s'il vous plaît. Oh yeah. Team Cardio. Planète Rap en live. Chonga. Yeah. RS4, pas de plaque. Go. Ma gadji, c'est une Bagdad. Hey. Calage sur le clic-clac. J'ai bu 4 packs. Hey. La belle ville quoi. On a bu 12 packs. Roue avant sur le nez. Ça fait. Cagoule noire sous le nez. Zingaland, tu connais. Djedjaouid soudanais. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le Saint-Somarie, cheval cabré sous le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la Courneuve à 200 au Sourio. Permis vient des commandes. Comme d'hab, je m'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On n'encule pas les zéro cul ou on stop. On n'encule pas les zéro cul ou on stop. La bague fume du shit, les frères ont des chichas. Avec le bénéfice du shit, cherche à devenir official. Tu bismillah là pour mon shit. Je n'ai pas de compte en Suisse, tout est dans le sango de la mama. Hey, ça fait RS4, pas de plaque. Tout le monde, ma gadji, c'est une Bagdad. Yeah, carache sur le clic-clac. J'arrive, hey, j'ai bu 4 packs. Hey, la belle ville quoi. Yeah, on a bu 12 packs. Exclusivité, le nouveau morceau, y'a rien à faire, pas. Bon, dédicace à Spike Miller. Hey, les blancs, comment qu'est taillé comme une armoire, on s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les doux. La musique de Dark Vador, on a pris 40 coups. Que des faibles parmi vous, la Sephore est avec nous. Si des jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Non. Oh. Si tu fais serment, on te remplace. La chère mort, on la consomme sur place. Mon équipe t'a validé. Y'a trop de négros, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Entre nous, trop de rivalités. Hashtag, machallah, la solidarité. Tu rapes mal en plus, tu sais pas t'habiller. Mon frère, mais regarde-toi dans une glace. Tu rêves que ton mari soit comme ton daron. Mais est-ce que tu sais cuisiner comme ta daronne? Pas d'argent, genre ça tue les schnecks. J'suis en boîte avec Gilas et tous les films. FF à l'ancienne. J'suis dans le sud pareil que Sakaya Auxerre. T'as effrité ton shit sur mon CD. Tu te la pètes parce que ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les doux. La musique de Dark Vador en Afrique a rendu. Que des faibles parmi vous. La Sephore est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Non. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, à Attrape le taureau par les cornes et la forme par les hanches. Mon pain dit aussi bien que ma revanche. On dit qu'avant je faisais du rap engagé. Laisse-moi faire ma grâce matin et dimanche. Je regarde plus mes comptes, je me raconte, j'ai pas honte. Ton mec c'est un meuble, on le monte, on le démonte. Paraît que t'es dans la boîte, on t'a pas vu. T'es comme un lit sans oreiller, si t'as pas de cul. Je les aime bien les rebelles. Ah ouais. Oh, et je sois de Villezin. Les chanteuses de R&B français sont toutes éclatées. Sinon je dépèserai tout de même si ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles, on a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador, on a pris 40 écoutes. Que des faibles parmi vous, là ce fort est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Oh, du bruit pour Cosmopolitani de Soprano. Merci pour la psychiatre. Lundi c'est dans les bars qui va s'occuper de ça. Et moi j'arrive très très vite juste après. Merci beaucoup. Alonso à l'instant en live avec justement le renfort de Vince, avec Sopra aussi. Les deux morceaux, hein, les deux gros morceaux d'Alonso. Bah, j'ai retenu que j'ai bu 12 packs. Ça m'étonne de toi. C'est, mais c'est étonnant, hein. Ça m'étonne de toi. C'est 12 packs de lait. Hein. Oui, bah, évidemment, 12 packs de lait. Voilà, c'est. Voilà. Bon, c'est alors, c'est quand santé. Toi l'album? Parce que là, c'est vrai qu'il y a Sopra lundi. T'as une visibilité, ça sort quand? Je te dis la vérité, j'ai terminé. Mais je le sors quand je veux. D'accord. C'est-à-dire que j'attends que le buzz soit à son paroxysme. Là, on estime entre 15-20. Quand on sera 25-30 la première semaine, on sortira. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est terminé, bah, mais cas, on attend. J'ai vu tout le monde ici au 118 et c'est un bon test quand même. Tout le monde connaît les paroles par cœur. Mmh. Hein. Vous connaissez ouais. tout, hein. Ouais. Vu que je suis beaucoup en studio, cool. J'ai commencé à faire quelques dates en showcase. Donc je suis pas trop dehors. Donc je sais pas un peu la réaction des gens. Donc ça m'étonne et je suis content. Et voilà, je suis en studio, c'est terminé, mais juste on peaufine. Voilà, on attend que le buzz il explose et on sort quand on veut. Voilà, et puis il y a des surprises. On peut rien dire, mais il y a des surprises. Et on peut récupérer aussi ton morceau, hein, pareil, on peut l'acheter. Bah tiens, pendant qu'on précommande l'album de Sopra, voilà. Allons cliquer sur Alonso. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est le deuxième extrait après La Belle Vie. C'est Y a rien à faire. Y a rien à faire. C'est ouais. sorti, je crois, lundi dernier. Le clip aussi est déjà plus d'un million de vues. Ça se passe bien. Merci à tout le monde. Merci. Merci pour le soutien à tous. Franchement. C'est le Planète Rap en live ça cette semaine place. Entre 20h et c'est marrant parce qu'en plus tu disais ouais à Londres il y a le côté travers et le côté droit. Ouais, en fait c'est pour ça qu'on voulait faire un morceau qui s'appelle Dos à Dos. Ouais. Lui il s'occupe du gauche, je m'occupe du droit. Voilà, c'est comme ça. Vince il est là pour coordonner tout ça. C'est et ça. C'est la force d'un groupe aussi. Voilà, c'est ça. Et dans un groupe quand il y a des personnalités fortes, c'est ce qui fait la force et la magie du groupe. Bah, c'est clair voilà. que tu peux pas faire Cosmopolitani, il faut que t'aies, voilà, t'as ton style, t'as tes différences aussi. Et quand on se réunit, et quand vous réunissez, c'est l'explosion. D'ailleurs, ce sera quand la réunification de Psychiatra? Le chef, c'est Sia Style, c'est lui qui donne les dates. Posez la question. C'est vrai qu'il avait donné la date. Il avait donné la date la dernière fois. Et comme on n'a pas envie de se faire taper sur les mains, on ne dira plus rien. C'est lui qui le dit. Et c'est lui qui est le boss. Sia, envoie-moi un message, vas-y. Envoie-moi un message pour avoir au moins l'année. 2015, 2016, 2017. Ah, on dirait, on veut pas de problème. À cause de toi, déjà, tu as déjà balancé des trucs à chaque c'est fois. C'est vrai que j'ai fait des conneries. Mais là, on je dirais rien sur l'album. Je dirais pas, par exemple, qu'il y a Oncle Phil sur Fresh Prince. Je dirais pas. Non, ça, tu peux pas le dire. Ça, je peux pas le dire. Je dirais pas qu'il y a Kaina Samet. Non, tu peux pas le dire. Et c'est tout. Et puis les autres, j'ai pas envie de dire de conneries. Voilà. L'album, c'est lundi dans les bacs. L'album de Sopra, on le découvre cette semaine entre 20 et 21. Il y a un garçon qui s'est assis à table. Je lui file le micro. Je vous le présente. Il s'appelle Rams. Yeah, Mr. Alors, Rams. On peut l'applaudir. Il vient de Villejuif. Bonsoir. Ça va, Rams? Ça va et toi? Bon, d'habitude, c'est le freestyle par téléphone, hein, à Londres Vince. Et là, c'est freestyle ici en direct du 118. C'est original. Tout est nouveau ce soir. Hein. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Et tant mieux. Rams, bien. Je te laisse ambiancer la salle. Faites du bruit, accueillez Rams. Faites du bruit pour Rams. Il va repartir avec Drive Club, le jeu uniquement sur PlayStation, sur PS4. Ouh. On en parle dans un instant. Allez, Rams, en freestyle, c'est parti. Attends, il n'a pas entendu. Ah, répète, comme ça tout le monde y parlait en même temps. Oui, c'est moi. Excuse-moi. En fait, à chaque fois que je vais écrire RAM apostrophe S, vous allez répondre comme d'hab. Ok? Yes. J'ai compris, quand il dit RAM apostrophe S, vous répondez comme d'hab. Simple. Aïe! On y va, session freestyle. 1. Ok. RAM apostrophe S. RAM. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. Ce n'est qu'un freestyle que l'on respire. Mais qu'est-ce que t'espère, le talent à Shakespeare. Le rap c'est pour déconner, prends pas ça au sérieux. J'ai dans tous les styles, qui peut faire mieux. J'ai chanté, rappé, mélange pop et rap. Je peux te faire réfléchir ou danser le pump it up. Impossible de m'arrêter, n'essayez même pas. Fais pas le milliardaire si tu vends du Red Bar. N'en fais pas la sainte, j'ai cramé ton vie. Je vais mettre la balle au fond comme Samuel est au fils. L'instru c'est comme ma paire de pompes, toujours à mes pieds, ça tu le sais. J'aurai SDFC depuis le temps, poteau, j'attendais le succès. Je me voile pas la face, reste à hauteur en hijab. C'est la haie jusqu'au Niger, donc je dis merci comme j'y gère. La musique ça vient tout seul, faut pas forcer. Oui j'avoue c'est corsé, flow est amorcé. Il faut pas t'efforcer, ou on va divorcer. Si jamais t'es aussi connu que le musée d'Orsay. Les gens t'appellent que pour les intérêts. Ils disent qu'ils t'aimaient quand t'es enterré. 94 Aga, on va tout briser, poto c'est la pagaille. J'suis une machine, pas besoin de ta gars. Tu vas vite abandonner la bataille, Makai, les M6 sont pas taille. Comme Sarko, on veut que l'oseille, on veut pas être Darko. Méfie-toi de l'eau qui dort, on va noyer. On a mis le rap street. Ça fait pas ton loyer. Est-ce que vous voyez? On va vous nettoyer. On a les crocs comme les dards bleus au foyer. Je suis un génie, demande à air. Je dégaine mon flow, tout le monde à terre. Si tu réussis, les gens diront que t'es un vendu. Vendu. Toi-même t'es choqué du freestyle que j'ai pondu. Pondu. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. Dab. R.A.M. apostrophe S. Comme Dab. Magnifique. Hey, il est bon lui. Ah, il est bon, il est bon. Sopra, il a été, il arrêtait pas de me dire, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Tiens, assieds-toi deux secondes, Rams. Dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Où est-ce qu'on peut te suivre? Il marche, on t'entend. Ouais, en fait, j'ai une page Facebook qui s'appelle CRAM apostrophe S officiel. Il y a plus de 50 000 j'aime. Yes, voilà. Cool. Allez mettre j'aime comme ça, vous pouvez suivre. En tout cas, RAM apostrophe S. Ça tue, frérot. Bravo. Franchement, tu as pris le public avec toi. Ça va. Tiens, je te file Drive Club sur PS4. C'est le jeu qu'on file pour tous les freestylers. Cette semaine, il est pour toi. Demain, on fera un petit concours ici, d'ailleurs, dans le 118. Soyez au rendez-vous entre 20h et 21h. Et le garçon qui était au freestyle à l'instant, c'est RAM apostrophe S. RAM sur Skyrock. Ça va toujours ici? Ouais. Alors. Il y a du niveau, hein, c'est bien. Hein. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste peu de temps avant la fin de l'émission. On va déborder. Jeffrey va attendre ce soir. Quand on fait le déplacement, on le fait pas pour rien. Donc il va attendre. Jeffrey. La bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression que Vince est très chaud et a envie de nous faire Uncle Phil. Oh, Jeffrey, tu sais. Gigoteur, gigoteuse. Est-ce que mes gigoteurs sont là ce soir? Est-ce que mes gigoteurs sont là ce soir? Ah, j'en aurai besoin de vous peut-être. Et je suis pas sûr. C'est, d'ailleurs, il faut raconter, on en a parlé en début de semaine, mais on peut le rappeler aussi, puisqu'on est jeudi. La façon dont tu es arrivé sur ce morceau, sur Fresh Prince d'ailleurs. Ah ben regarde, alors on était au studio, je m'en rappelle, l'instru tournée de Fresh Prince. Hein. On était au studio, on était là en train de parler, on parlait des morceaux, tatati tatata. Et je disais, Vince, j'ai deux couplets, j'ai cet instru. J'ai envie qu'à la fin tu ambiances, parce que lui, Vince, c'est le côté club du groupe, tu vois. Mmh. Je me suis dit, il va venir, il va ambiancer comme il fait à toutes les soirées qu'il organise et tout ça. Et quand on le laisse tout seul, il va au micro, d'un coup on entend « Hey !» Alors je t'explique, il a fait trois, on aurait pu prendre les trois pistes qu'il a fait, c'était des classiques, il a tout cassé. On a tellement kiffé, je suis arrivé au micro, on a fait le refrain, il était en train de danser à la Carlton, c'était lui qui dansait. Sur le coup, j'ai dit, on garde ça, danse à la Carlton. En fait, l'inspiration de ce morceau, il vient de ce mec-là, avec monsieur Ousni, DJ Ous, qui est avec nous à Marseille. Donc, un gros big up à lui, parce que mon groupe, il me donne beaucoup de force au studio. Et c'est pareil, quand Alonso est au studio, Vince, il est là à chaque fois, il nous donne la force, lui donne la force sur les morceaux. Vince, vraiment, dans le groupe, c'est vraiment le moteur. Il nous motive, il nous dirige vraiment par rapport à nos personnalités. Et franchement, il assure, il est fou ce mec. Ce que j'allais dire, c'est même quand tu fais des solos, qu'Alonso fait un solo, ou Vince, il est toujours vous êtes là en fait, vous êtes là toujours, en équipe, vous venez écouter. Oui, obligé, on sait tout ce qui se passe, on entend tout avant tout le monde, on valide tout avant tout le monde. Est-ce que le même par... des fois les feats qu'on fait ailleurs. Est-ce que par exemple, je dis ça mais juste si vous le sentez, est-ce qu'on ambiancerait pas le 118 et d'ailleurs la France entière qui nous écoute avec le hashtag Soprano sur Skyrock, vous réagissez? Est-ce qu'on se ferait pas un petit Fresh Prince? Si vous voulez, moi-même d'ailleurs je danse puisque. Tu danses, Jeffrey. D'ailleurs, j'ai donné de ma personne, c'était quand lundi ou mardi. Les gars, je vous explique. Attends, je te tourne le dos. Ouais, il a dansé tout à l'heure. Il a fait lundi, il a fait un striptease. Ah, j'ai pas vu. C'est pas vrai. À un moment donné, j'ai dit, il y a des petits qui écoutent quand même, c'est mon public. Rebelote, rebelote, rebelote. Rebelote. Ok, Jeffrey, je te veux avec moi ce soir. Je vais voir. Moi, j'étais en studio, je n'ai pas vu, donc je vais voir. Jeffrey, je te veux avec moi. Bah, si vous voulez, je fais la danse, mais. Je te veux avec moi. Est-ce qu'il y a aussi des danseurs qui veulent ambiancer ici au 118 ouais. Ou des danseuses des Est-ce bon. Qu'il y en a qui sont prêts à danser à la Carlton ici Je rappelle, que, coup, les, je rappelle timides, que les images sont dispo sur Skyrock timides. FM, sur l'appli Skyrock. On y va ou pas? Est-ce qu'on fait ce live maintenant? Les petits... Alors attendez, c'est Vince qui va vous appeler. Les timides, Vince va vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Moi, je veux vraiment des fous de la piste, je veux des dingues. Je veux des gigoteurs et gigoteuses. Donc, deux gigoteurs et deux gigoteuses. Je veux des mecs qui viennent s'amuser, bonne ambiance, bon délire, il y en a. Deux mecs dingues. Voilà, deux mecs dingues. Allez, venez-vous. Il faut éteindre la lumière, ils sont timides. Il y a les deux là-bas. Allez, vas-y, les quatre. Au fond, je ne vous vois pas. Mais attendez. Au moment où Vince va vous appeler, vous allez comprendre pendant le morceau. On fait comme ça ? Allez, c'est bon. Allez, c'est parti en live dans Planet Rap. Ok, les go. Uncle Phil est là avec nous. Neige au platine. Vous connaissez le morceau ? Alors on veut vous entendre avec nous. Tout le monde va s'amuser avec nous. Yeah. Je rentre dans le club accompagné de mes thugs. Yeah. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme est bug. Yeah. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte et c'est le buzz. Un mec veut se faire du buzz, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma sécu, c'est GP, tout pour tailler ta gueule de bois. Yeah. Bref, nous comparons pas au reste. Non. Ils sont devenus célèbres. Yes. Oui, je sais, je suis. On m'appelle ce prof par elle. Ils se prennent pour Barzell, Springer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bell. Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Ponareff. Yes. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton. Remets-nous des glaçons. Jeffrey. Je débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queen. Tous les yeux sur ma sable. Tous les yeux sur ma sable. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc normal, je te zappe. J'entends des mecs qui clap, clap, clap, clap. Et des mecs qui prennent des clap. Envoyant ma dernière snap. Les filles, je suis marié, pas de Snapchat. Dizio, ces mecs sont des mythos. C'est plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Ah ouais? Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser. On rentre dans le club habillé. Non. Fraîche, on dit non, prince. Hey. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Carlton, vas-y. Danse à la Carlton, vas-y. Danse à la Carlton, danse à la Carlton. Yeah. Oh putain, danse à la Carlton. Jeffrey. Ok. Hey, Jeffrey. Hey, Jeffrey, deux secondes. Laisse passer mes gigoteuses. Belle chemise à la Biggie. Les danseurs, ils sont où? De chez Fab Barbershop. Les danseurs, ils sont où? Oui, venez. Les gigoteuses aiment les gigoteurs. Venez, les danseurs. Est-ce qu'au 118, il y a du monde ce soir? Jamal, mettez-vous en ligne. Ok. Mettez-vous en ligne. En ligne. Et on danse à la carte. Attention, Jeffrey, remets-nous des garçons. Jeffrey, oh, Jeffrey, remets-nous des garçons. Faites du bruit pour tout le monde qui est là ce soir. Faites du bruit. Tranquille, vas-y, descendez deux secondes, on vous prépare une petite surprise. Merci. Vous êtes toujours là encore ou pas? Les gigoteurs, Vous êtes sûr que vous voulez une dernière surprise ou pas? Est-ce que vous voulez une dernière surprise ou pas? DJ Mej, est-ce que tu as une petite surprise qu'on parte en beauté ou qu'on termine le Planet Rap tranquillement? Ah, tu reconnais ces notes? On fait ça? Ok. On y va? Ok, on fait ça. Alors, vous 118. Connaissez pas, ça fait... Moi, ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi qui je dois décorer. Dis-moi. Mes parents parlent. j'ai pas le visage de là. Tout le monde, on vise. Plein de rêves. Dès qu'il l'automne, tu cours devant des cauchemars. Tu dessous, sors la chance du placard. Tiens, jeune entrepreneur, hey, oui, je fais des billets. Dis-moi en quel honneur tu me dévisages. Tu veux m'expulser, hey, on prend le beurre, on prend le beurre. On l'a pas volé. Demain j'épouse la crémière. Ça y est. Ça pique la femme, ça pique mon âme. Tu fais des sous. T'as ouvert un commerce, pratique l'économie. Je te revois enfin, pratique la conduite. Yes. Je te sens heureux, pratique à la mariée. T'as des contractions, pratique pour le bien. Sinon moi ça va, dis-moi pratique, je sais. Je passe à la télé en 4D avec la. Moi ma chance je l'ai provoqué, l'argent je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Dis-moi. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise. Tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait. On vise. Ils ont prédit ma fin, les jaloux doivent être Maya. En 2013, je suis encore là. Moi, ma chance, je l'ai provoqué. L'argent, je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Mes parents parlent à peine français, mais j'ai été éduqué. J'ai pas le visage de la honte. On vise haut. On vise haut. C'est le ghetto, ghetto. Pour la femme et tout le gâteau, gâteau. Maman nous a bien éduqué. Mais bon, elle est épuisée, ouais. C'est à moi de prendre le relais. Je me bats pour l'avoir comblé. Mais putain, dis-moi pourquoi me justifier. Yes. J'en ai marre de cette mentalité. Yes. Cette heure ne mérite la qualité. Yes. Elle s'est privée des années pour ses bébés. Yes. Rêver de la voir loin du ghetto. Yes. J'ai dû taffer, j'ai dû bosser, mais le veto. Yes. Je veux pas te faire un discours de mytho. Vincenzo, yes. Pas que traverser le temps que mais un peu moins que Snoop Dogg. T'en es dans les charts, je sais quoi qui te choque. Notre traversé en pyro. Nous notre chance on l'a mérité. Merci le 118, merci le 118, merci le 118. Ma chance je l'ai provoqué, yes. L'argent je l'ai mérité. Dis-moi à qui je dois des comptes. Ah ouais. Mes parents parlent à peine français, ouais. Mais j'ai été éduqué, ouais. J'ai pas le visage, yeah. De la honte. On vise. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, fait. Encore, on vise. Si à style, si à si, si à style, si à. Yeah, on vise. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait. Merci beaucoup, yeah. Tout le monde. La psychiatra de la Réméa version 2014, 2015, 2020. Merci beaucoup. Faites du bruit pour la psychiatre, s'il vous plaît. Merci. Une spéciale pour Sia Style. Faites du bruit pour Sia, s'il vous plaît. Sia. Merci beaucoup. Le live, merci à l'instant, beaucoup. Le visage de la honte. Merci, merci beaucoup. Je crois que c'était encore une fois de plus une très belle soirée ce soir. Ah, c'est cool. Ah, j'ai passé avec un mon super sang, moment. Là, j'étais avec mon sang, là. C'est, quand il y a ce pareil. Groupe, c'est toujours la meilleure soirée. C'est vrai. Voyant, c'est vrai mais depuis le début de semaine, on passe un super moment, en tout cas, ici. Vraiment, merci, Sopra, d'avoir eu l'idée de faire ce Planète Rap ici, en public, avec les gens qui viennent, avec ceux qui nous écoutent. Moi, yes. J'arrête pas de voir, en plus, pendant que vous faites le live, les messages défilés, ça n'arrête pas, hein. Avec le hashtag Soprano sur Skyrock, vous continuez. Les images aussi, vous pouvez les mater, évidemment, sur Skyrock FM. En tout cas, on voulait dire un grand merci parce que, Tu vois, nous, on est là, ça fait longtemps. Il y a des gens, ils nous écoutent depuis qu'ils sont petits. Leurs parents, ils nous écoutaient. Il y en a qui sont là et ils nous soutiennent toujours. Mais je vois, c'est familial, en fait, le public, d'ailleurs. C'est assez fou. Il y a de tout. Mmh. Psychiatre, ça a toujours été mais comme ça. Mais vous aussi, en tournée, tiens, d'ailleurs, en tournée Sopra, c'est dès le 14 novembre du côté de Rouen. Il y a Rennes le 15, le 20 novembre à Caen, le 21 novembre au Mans, le 22 à Beauvais, 26 novembre Clermont-Ferrand, le 28 à Angers, le 29 à Brest. Et puis, il y aura évidemment Abbeville, Toulouse, Dijon, Metz, Lille, Dunkerque, Amiens. Ah, les Lillois ? Zénith de Lille le 15 mars. Ils étaient déjà au courant, les Lillois. Hein. Ils savent tout. Ah, ils sont là, mais ils assurent. Tu vois, franchement, que ce soit la Belgique, tout ce côté-là avec Lille et tout ça, ils sont trop chauds, toujours chauds. Mais attention, la Bretagne aussi, hein. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Paris aussi, ils sont chauds. Mais le sud, ils sont hors catégorie. Voyons. Remets les glaçons. Bon, en tout cas, merci pour ce live. Juste avant de se quitter, on va faire tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Tiens, on retourne à la maison. C'est Maxime de Marseille qui appelle. Salut Maxime. Salut, ça va ? Faites du bruit pour Maxime de Marseille. Maxime, ouais ! Mm-hmm. Ça va bien, Maxime ? Ça va, tranquille, et toi ? Tu es applaudi par le 118 en direct de Marseille, Maxime. Ça va. Tu es prêt à nous faire un beau stop ? Ouais, je suis prêt. Le feu. Vas-y, le premier. Le public peut faire avec moi. Le public veut que je fasse avec lui. On va faire le décompte. 3, 2, 1. Incroyable. Là, il a tout gagné, normalement. Incroyable. Là, à un moment donné. Là, normalement, il a le pack complet. Ça va jusqu'à ta casquette. Exactement. Il a la collection H-Touch complet. Les places pour Kev Adams, c'est pour toi la tournée avec le DVD de Kev Adams. C'est pas mal. On t'envoie ça, Maxime, du côté de Marseille. Max, en plus. C'est bon, Maxime. Ciao. On te souhaite une belle soirée, Maxime. Ciao, Maxime. Vas-y. Alors, grosse dédicace à Toudomier. Grosse dédicace aussi à Seconde 3. Et grosse dédicace à Rouge. Je vous kiffe, les gars. Merci mon poteau. Merci à toi Maxime. Tiens, moi j'en profite pour remplacer une à Tony qui était à la régie depuis le début de semaine. Yep. Merci Tony. Bravo merci, Tony. Man. Tony qui nous quitte, qui nous abandonne. Merci Tony. Voilà, qui était avec nous ainsi que toute l'équipe technique de Sky. Il y a Jean-Pierre que je salue. Elbert qui est là aussi, qui a bien bossé avec nous. Idir aussi. Marc qui est venu pour les dédicaces, c'est le patron. Il est venu juste pour la dédicace ce soir. et tout ce monde. On fera une grosse dédicace demain pour tous ceux qui ont bossé pour cet événement. Je pense à William aussi. Toute l'équipe d'Hostile. Voilà, tous les gens qui ont bossé. Yes. Demain, on fera une grosse dédicace parce qu'on a passé un super moment, mais c'est pas fini. Ouais. Demain, ce sera déjà la dernière. Demain, c'est la dernière avec des surprises. Toujours. Hein. On peut faire Ouais, mais on va garder la force pour que demain ce soit encore plus bouillant. Mais je crois que ce soir, quand même, vous étiez très très chaud quand même. Hein. Franchement, une superbe ambiance. Vous nous avez fait transpirer en tout cas. Ouais, on transpire, on est en sueur. Avant que tu te décroches avec Diffoul, je suis obligé de faire des dédicaces. Vas-y. Voilà, une dédicace à Malik et Mélissa. Voilà, une heureuse dédicace, bon, comme d'habitude, à mes enfants, à monsieur Papou, tu le sais, à Vie, Manu. Et Soulé, voilà, on est là. Papou, il doit être à côté de Souleymane, mon petit frère. Grosse dédicace à toi. Voilà. Tout le bâtiment D. Voilà, tout le plan d'art, tout Marseille, tous les quartiers nord, voilà, les balustres, tous vos bancs, t'inquiète Michel. Et on rappelle évidemment que l'album est dispo en précommande, vous avez des titres qui arrivent chaque fois, pratiquement tous les jours, hein, ouais, quand vous précommandez l'album, et qu'il y aura aussi dès lundi deux versions. Il y aura la version album, hein, pour ceux qui iront dans les magasins, mm-hmm, et la version qui sera très limitée avec le poster Cosmo Mosaïque que j'ai là, qui est un super poster, peut-être que vous allez vous reconnaître, il est là. Voilà. Magnifique poster, et c'est la version dans ce collector. Poster, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde. Une grosse dédicace à tous les Kofi. Les gens vont comprendre que j'ai vu à l'intérieur, c'est-à-dire à tous les Comoriens qui ont envoyé des photos. Il y en a eu pas mal. C'est énorme ce qu'il y a dedans. Et bah ça, ce sera en version limitée dès lundi dans les bacs pour la sortie de l'album Cosmopolitani. Merci à Vince, merci à Londres. Merci à toi, Jeffrey. Merci à toi, Jeffrey. Merci aux gigoteurs et aux gigoteuses. 118, vous êtes là lundi. C'est lundi, c'est dans les bacs. Team Cardio. Yes. Merci Sopra. Wow. Merci à tout le monde. On est là, cool. Et on va retrouver, donc maintenant nous connectons rue Greneta où se trouve Diffoul, Luna et toute l'équipe. Et si on veut pas. Ouais. Non. Ouais. Si on veut pas. Ouais. J'ai entendu, Oncle Phil a entendu qu'il y avait un de tes coéquipiers qui voulait gigoter. Oui, j'ai entendu dire qu'un de tes coéquipiers gigotait. Mais est-ce qu'il est conscient que gigoter, c'est savoir danser? Ce con-là, derrière ses manettes, ne sait même pas danser, bouger son popotin. Et il dit qu'il gigote. Et là, j'ai rendez-vous. Demain, je suis là. Je propose un clash demain entre Romano, le gigoteur. Demain, 21h, je suis là pour clôturer le Planète Rap de Cosmopolitanie. Et bien demain, on sera même là à partir de 20h pour le Planète Rap de Sopra. On sera là aussi. Juste avant de vous rendre l'antenne, j'aimerais quand même qu'on applaudisse Difool et toute l'équipe, voir si vous faites du bruit ici. Mais quel public, Fredo. C'est beau. Quel public. Fredo, il est dompteur public. C'est ça. Mais moi, ce week-end, je n'ai rien. Si vous avez des mariages, des baptêmes, des trucs, n'hésitez pas à me demander. Demandez. Bah, demain soir, 20h, 21h, la dernière de la semaine. Déjà fini, ça va vite. Hein. Ouais. À pas louper, demain soir. Soprano. Voilà, demain, on fait une dernière avec des nouveaux morceaux. On va rejouer des trucs, on va faire des morceaux live. Il y aura une invitée surprise que je voulais présenter à tout le monde parce que je la kiffe. Et on va parler un peu de la tournée, surtout demain. Bien sûr, tournée. Parce que c'est une tournée différente des autres. Quand je dis différente, c'est-à-dire qu'il y a des surprises, il y a une histoire, il y a beaucoup de choses. On est en train de la travailler, ça fait un moment. On en parlera demain tranquillement. Tournée Skyrock à pas louper dès le 14 novembre du côté de Rouen. Eh bien, on sera là aussi. Enfin, à Rouen, c'est pas sûr, mais demain soir, 20h, ça c'est sûr. Ouais. Merci, Sopra. Dans la salle, il y a des Rouennaises. Salut, les Normandes. Grosse équipe de Rouennais. Et merci, Fredo. Demain soir, on est de retour avec vous. Attends, je suis obligé de faire une dédicace au fils du patron. Malik. Malik, une grosse dédicace à toi. Arrête de danser, bouger. T'as trop d'énergie, mon fils. Arrête de gigoter. Lui, c'est gigoter. Voilà. Il gigote, lui aussi. Merci à vous. Demain soir, le retour, 20h, 21h. Dans un instant, la radio libre. C'est parti, d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 01 53 40 30 20. Allez, SMS, le net, vous laissez vos messages, je vous retrouve. Après Iggy Azalea qui arrive tout de suite. Soprano, ouais. Iggy Azalea, mais quelle soirée. Hein. Yes. Salut Sopra, salut Fredo. Ciao, salut tout le monde, ciao. Tous les matins sur Skyrock.